Merci, monsieur le professeur Leblay. Bonjour. Nous sommes très honorés d'être parmi vous ce soir et de pouvoir ouvrir le deuxième colloque du projet Atlantis. Comme monsieur Leblay a parlé tout à l'heure, en fait, notre université, l'université Ajou, est fondée il y a 40 ans par l'accord entre le gouvernement français et le gouvernement coréen. Donc, le gouvernement français a envoyé quelques professeurs de l'Université de Nantes pour fonder une université à Ajou. Donc, là, depuis 40 ans, les deux universités ont collaboré très fortement. Et je crois que à peu près 30 étudiants échangent chaque année entre les deux universités. Bon, tout à l'heure, M. Leblay nous a présenté à vous. Moi, je travaille en général sur la médiation culturelle, donc entre le zone culturelle et aussi dans les monuments, dans les musées. Donc c'est pour ça que je parle aujourd'hui, parce que j'ai fait mes études en France, donc je parle aujourd'hui en français devant vous. Mais mon collègue qui ont travaillé avec moi, M. Cho, il est là. Voilà. Oui. Donc il est spécialiste de l'ancienne poésie et de la Corée, surtout l'histoire de Moyen-Âge en Corée. Donc on va vous présenter ce soir un sujet qui est lié à cette tradition. Donc aujourd'hui, je vais lire maintenant ce que j'ai préparé. Aujourd'hui, nous voudrions vous présenter les attitudes et les réactions des Coréens devant une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou non. Par catastrophe, nous entendons tout ce qui relève de l'inondation, de la sécheresse, de tremblements de terre, de tempêtes, etc. Mais également des conséquences qui y sont directement liées, telles que la famine, les épidémies, les soulèvements de peuples, les guerres, la mort d'une grande partie d'un peuple. Nous commençons notre propos par une présentation de la perception traditionnelle que les Coréens ont de la catastrophe, notamment à travers une vision confucianiste du monde, qui a dominé la période de la dynastie Joseon. Et nous en profiterons pour rappeler les mesures administratives prises à la suite de chaque catastrophe. Pour illustrer cette vision, nous nous servirons des documents dont certains sont classés parmi les archives historiques. Vous pourrez voir qu'à l'époque, le roi devait assumer la responsabilité de l'immense désordre inscrit par la catastrophe et faire son mea culpa devant la déité. Par déité, je veux dire la nature mère, mais en aucun cas pas un dieu. Nous continuerons notre propos en évoquant les changements survenus dans cette mentalité dans la Corée d'aujourd'hui, modernisée, c'est-à-dire à travers un exemple concret, l'affaire du ferry appelé le Sewol, qui a eu lieu en 2014. Dans l'histoire de la culture occidentale, la catastrophe naturelle a souvent été considérée comme un signe de colère divine. La peur des hommes du Moyen-Âge face à la propagation de la peste en est un exemple bien connu. Également, on le voit bien chez Camus dans son roman « La peste ». Les êtres humains ont cherché à lire et comprendre la volonté de leur Dieu, ce qui a débouché parfois sur des chasses aux sorcières ou des rites sacrificiels. Cette réaction à la catastrophe naturelle trouverait son origine sans doute dans la vision du monde linéaire du christianisme au sens où il y a un commencement et une fin. Les catastrophes naturelles étaient un signe de la fureur de Dieu et étaient considérées comme l'annonce de l'approche de la fin du monde. Le désir de connaître le moment de la fin du monde écrit et annoncé dans les textes divins, et la peur que la fin du monde suscitée en régie, nous semble-t-il, l'inconscient des hommes occidentaux. Mais en Corée, le désordre naturel a été interprété non pas en fonction d'un dieu, mais en fonction de l'organisation de la société. Le changement du ciel a été considéré comme un signal d'un grand bouleversement terrestre. Dans la zone géoculturelle où était utilisé le caractère chinois, nous, en coréen, on a utilisé le caractère chinois jusqu'au 19e siècle. Bien sûr, on a notre alphabet, mais on n'a pas utilisé beaucoup. On utilise notre alphabet Hangul à partir du 20e siècle. Mais notre alphabet a été inventé par un roi Sejong, au 15e siècle. Voilà, donc j'ai marqué ici le mot qui signifie catastrophe naturelle. D'abord, c'est le coréen, et après, j'ai mis entre parenthèses le chinois. On lit Chanje Jibion, et ici, c'est chinois actuel, chinois modernisé, Kanji. Ça, ouais. Donc, je vais lire encore. Dans la zone zéro culturelle où était utilisé le caractère chinois, l'immense catastrophe naturelle est appelée Chanje Jibion. En chinois, Tianzai Di Dong. Je ne prononce pas très bien, mais c'est comme ça. Qui signifie la catastrophe dans le ciel et le changement brutal sur la terre. Surtout en Corée, on trouve très souvent des histoires où le phénomène étrange de la nature entraîne la confusion sociale. Voici un texte qui démontre bien cette idée. C'est un peu long, mais je vais lire. En l'an 1 de Taeryeok, la terre de l'est de Gangju s'est creusée pour ensuite devenir un étang de longueur de 4 mètres et de largeur de 2,80 m. Soudain, 5 ou 6 carpes ont apparu et ne cessaient de grandir. L'étang s'élargissait également. L'année suivante, une comète est tombée dans le sud de cette terre. La tête était grande comme un pot. En fait, en France, un pot, c'est très petit, mais en Corée, quand on dit pot, c'est grand comme une cuve à vin en bois. Oui. La longueur de la queue de cette comète atteignait 1 mètre. La couleur était celle du feu. Le tonnerre a grondé dans le ciel et sur la terre. La même année, tous les grains de la rizière Kimpo sont tombés à terre. En juillet, 3 étoiles sont tombées du ciel dans le jardin du palais du Nord et se sont enfoncées dans la terre. Dans les toilettes nord du palais, 2 tiges de lotus ont été retrouvées, puis une autre tige dans le champ du temple Bonsang. Un tigre a pénétré dans le palais et personne n'a réussi à l'attraper. Sur le poirier chez le seigneur Dagon, des milliers de moineaux se sont regroupés. L'ancien livre de tactique militaire Hanguk affirme que des affaires étranges naissent les émeutes. Alors le roi a accordé une rémission aux prisonniers et s'est accordé une réflexion avec sagesse. Le 3 juillet, le seigneur Dagon s'est insurgé contre le roi. Le roi et les 98 seigneurs des 5 régions se sont affrontés et la grande guerre a éclaté. C'est un extrait d'un livre qui s'appelle Souvenir des 3 royaumes. En coréen, c'est Samguk Yusa, livre du roi Haegong. Ce récit est écrit dans un livre intitulé « Souvenirs de 3 royaumes » qui présente l'histoire de la Corée de l'Antiquité, c'est-à-dire du 20e siècle environ avant Jésus-Christ jusqu'au 9e siècle de notre ère. Ce livre comporterait autant d'éléments légendaires ou mythiques que de faits historiques avérés. Toujours est-il que ce récit est l'histoire d'une insurrection du 8e siècle au royaume de Silla. Ce qui est intéressant, au-delà de l'affaire même, c'est la longueur de la description des phénomènes anormaux précédant la révolte. Plus de 80% de l'histoire est consacrée à l'apparition d'une comète, du mouvement de la Terre, du changement climatique, des comportements, comportements étranges des animaux, etc. Cette longue description suivie de l'affirmation des affaires étranges naissent les émeutes, témoigne de l'idée selon laquelle les anomalies survenant dans la nature sont étroitement liées à l'incident social. Ils en sont les prémices. Pour cette raison, les rois de la Corée et les rois de l'Extrême-Orient en général observent attentivement les changements du ciel, les mouvements des étoiles, les cycles de la nature. Dans les livres d'histoire de l'Asie, on trouve un grand nombre de notes sur l'observation quotidienne du ciel. Les phénomènes astrologiques ont été appelés en Asie le dessin du ciel. Et comme je vous montre ici, donc, le phénomène astrologique, on l'appelle le dessin du ciel, et des humanités, comme on dit sciences humaines, des humanités, on l'appelle dessin de l'homme. Donc pour nous, c'est le même dessin de ciel, dessin de l'homme. C'est phénomène astrologique et des humanités. Ce dessin se situe en général. Donc, cette histoire des dessins du ciel se situe en général en première page des livres d'histoire. Donc, contrairement à ce qu'on peut voir dans l'imaginaire occidental, la catastrophe naturelle n'a jamais été considérée dans l'imaginaire asiatique comme une punition donnée par un dieu. Elle a souvent été associée plutôt à une alerte signalant la perte de l'équilibre du monde et en conséquence interprétée comme l'exigence du rétablissement de l'ordre. D'ailleurs, il faut rappeler que la mentalité des Coréens de la dynastie Joseon était fortement imprégnée de confucianisme, dans lequel l'être humain est une partie de la nature. De fait, la catastrophe naturelle suscitait pour eux une réelle réflexion, un profond retour sur soi-même. Ces mesures contre la catastrophe ont été de deux ordres. Le mea culpa des dirigeants de la société, bien sûr incluant le roi, et la restitution de la communauté à travers un système national de secours. Maintenant, je voudrais vous citer un extrait de Joseon Wangjo Shilluk. Voilà, les annales de la dynastie Joseon. D'abord, je voudrais expliquer d'abord ce que c'est. En fait, les annales de la dynastie Joseon comprend 28 livres d'une histoire chronologique rédigée quotidiennement, presque tous les jours. Chacun des livres couvre la période du règne d'un souverain qui a été compilé immédiatement après la mort du souverain. La collection couvre le règne de 25 rois, donc 7 ans sur une période de 472 ans. Donc, voilà, c'est ça. C'est le livre de Joseon Wangjo Shilluk, les annales. Donc, on fait un bande dessinée aussi avec cette histoire de Joseon Wangjo Shilluk, des annales. Donc, je vais citer une partie d'un récit de ce livre. Donc, grâce au soutien du ciel, de la terre et de mes ancêtres, moi, un homme modeste, j'ai hérité de ce pays. Du matin au soir, avec prudence et avec soin, j'ai essayé de gouverner en paix. Mais en raison de mon manque de vertu et de mon incapacité à arranger les affaires nationales, mon peuple n'a pas pu bénéficier de la paix. Les affaires humaines provoquent les changements du ciel. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappait, un roi retournait systématiquement aux affaires humaines et essayait de faire de la politique sainement. Ce geste signifiait la réflexion sur soi-même et la confession au ciel, c'est-à-dire son mea culpa devant la nature mère. Ces jours-ci, le ciel change, des phénomènes étranges ont eu lieu à plusieurs reprises. C'est à cause de mon manque de vertu. je corrigerai mes fautes et montrerai davantage de pitié pour mon peuple afin de mieux répondre à l'appel du ciel. » Donc, c'est ce récit extrait du Joseon Wangjo Shilluk, Jeongjong Shilluk, c'est le livre du roi Jeongjong, deuxième de la dynastie Joseon. Il s'agit d'un compte rendu d'une réunion ministérielle qui s'est déroulée suite à un tremblement de terre. On peut y déceler deux idées de base sur la catastrophe. Un phénomène anormal de la nature trouve leur origine dans la faute commise par des êtres humains. Deux, c'est le roi qui est avant tout le monde chargé de confesser sa propre faute et son manque de vertu. De ce point de vue, résister ou faire face à la catastrophe n'est possible qu'en modifiant les erreurs comportementales de l'homme, ce qui explique la réflexion et le retour sur soi-même des Coréens de Joseon face aux immenses catastrophes. Je vais voir un petit peu. Et oui, dans le Shilluk de Hyeonjong, le 12 octobre 1664, nous pouvons lire le même type de récit. Suite à l'apparition d'une comète dans le ciel, le roi se replie, confesse sa faute et demande au sujet de le conseiller et de l'aider. Il évite l'alcool et s'abstient de prendre un repas gras. Alors, trois ministres démissionnent comme pour suivre l'exemple d'abstinence du roi, mais dans des proportions plus larges. La faible connaissance scientifique de l'époque pourrait expliquer ce type de comportement. Pourtant, l'astrologie et la science avaient largement été développées dans les pays de l'Extrême-Orient pour décrire les phénomènes naturels. D'un autre point de vue, la réaction des Coréens illustre bien un système très efficace de rétablissement, de réorganisation suite à une catastrophe, puisqu'il est toujours difficile, dans le passé ainsi qu'aujourd'hui, de prévenir une catastrophe naturelle. Les mesures qui suivent une catastrophe prennent alors une importance beaucoup plus grande. Donc il est très important d'activer tout de suite un système de récupération de l'ordre. Sans perdre de temps, la dynastie Joseon a imputé directement la catastrophe à la faute du dirigeant dans sa manière de gouverner, afin de prendre des mesures immédiates visant à rétablir la stabilité et l'équilibre dans la société. En ce qui concerne les mesures de secours après la catastrophe, il serait intéressant de citer une autre expression coréenne relative à la catastrophe. Le peuple coréen a désigné la catastrophe par l'expression nanli, qui signifie désordre et séparation. Nan, c'est désordre. Li, deuxième syllabe, li, c'est séparation. L'expression chonjejibyeon, citée précédemment, montre la perception de la catastrophe par les classes dirigeantes, à défaut par les intellectuels, qui implique une réflexion sur la correspondance entre la terre et le ciel. En revanche, l'expression nan-li fait référence à la catastrophe réellement vécue par le peuple et connote la misère et la souffrance réelle qui suivent la catastrophe. C'est une expression plus populaire et plus concrète. Dans l'expression Nali, la catastrophe correspond davantage à la séparation des membres d'une famille ou d'une communauté. Pour le peuple, essentiellement issu de classes sociales inférieures, la catastrophe ne faisait pas l'objet d'une réflexion, ne donnait pas lieu à une observation spécifique, mais était simplement considéré comme la destruction de la paix quotidienne. Je vais vous montrer encore un autre récit. Ceux qui ont échappé à la mort, eux aussi, souffrent de la famine et de la maladie. Nous n'avons plus de moyens de les sauver. Le père et le fils, l'aîné et le cadet de la famille se séparent encore vivants ou à cause de la mort. Les pleurs, les lamentations, les cris ne cessent de se faire entendre. Mon cœur est déchiré, mes yeux ne supportent plus ces scènes de tragédie. L'harmonie du monde étant rompue, la catastrophe survient. Je ne peux cacher mes inquiétudes pour la sécurité du peuple. Ce récit, daté du 10 avril 1645, est extrait du rapport d'un officier du nord de Joseon appelé Jong Yusong à propos de la sécheresse et d'une épidémie dont le peuple a souffert. Ce récit attribue lui ici aussi le désordre du monde à la cause de la catastrophe. Nous pouvons constater également cet officier s'inquiète surtout de la séparation des membres d'une même famille. Traditionnellement, pour les Coréens, la catastrophe était vécue avant tout comme le démantèlement de la communauté. C'est de ce point de vue que provenait la nécessité de mettre en avant le rétablissement de la communauté familiale, régionale et nationale. La récupération matérielle semblait secondaire par rapport à cette reprise de l'ordre moral. Lorsqu'un désordre naturel avait lieu, le roi célébrait un rite spécifique en signe de confession et de réflexion sur son manque de vertu. En réaction à ce rite et à la catastrophe, les hauts fonctionnaires démissionnaient pour montrer qu'ils n'avaient pas agi avec assez d'ardeur en faveur du règne du roi, et ce, même s'ils n'avaient pas de responsabilité directe. Le rite en tant que tel n'est pas une coutume spécifique à la Corée, mais le rite de Joseon était très fortement imprégné de confucianisme et reflétait l'imaginaire des Coréens sur la catastrophe. Selon la philosophie confucianiste, un roi assume la responsabilité de gouverner un pays avec vertu. La vocation la plus importante d'un roi était yin et dok, mots de caractère noble, qui peuvent être traduits de la manière suivante: l'amour pour les êtres, le contrôle de soi-même, bref, la perfection dans la personnalité. La réflexion et la confession d'un roi suite à une catastrophe font sens de ce point de vue. Dans la société confucianiste, le rite contre la catastrophe n'était pas autorisé pour les civils. Il était monopolisé par le roi qui incarne l'État. Je rappelle qu'il n'existe pas de moine ou prêtre confucianiste, d'où le fait que le seul haut dirigeant est le roi. Le chef de l'État exerce la fonction du maître du rite contre la catastrophe. Le rite appelle au lieu du pouvoir providentiel divin l'autorité sociale du roi pour faire face à la force dévastatrice de la nature. Tous les rites confucianistes sont réglementés selon la position sociale du maître, qui est aussi le sacrificateur du rite. Le nombre d'offrandes, la démarche, la durée, le nombre de participants, etc. La position sociale détermine même le nombre des ancêtres auxquels on peut consacrer un rite. Par exemple, en Chine, l'empereur pouvait inviter ses arrière-grands-parents en remontant jusqu'à 7 générations, tandis qu'un simple noble ne pouvait pas remonter que jusqu'à 3 générations dans son invitation de arrière-grands-parents. En revanche, dans le rite bouddhiste ou taoïste, ce type de réglementation n'existe pas. La théorie confucianiste de la catastrophe a pour objectif d'expliquer le message de l'événement catastrophique au roi qui, lui, ne subit pas de dégâts concrets. Cette explication avertit que la catastrophe est provoquée par la faute du roi et que s'il ne propose pas de mesures appropriées, un malheur le frappera directement. Nous avons évoqué que la vocation d'un roi d'un pays confucianiste était d'atteindre une personnalité parfaite. Cette dernière peut être peut être rendu possible ou même renforcé par une attitude appropriée qui passe par un retour sur soi-même. Une autre mesure contre la catastrophe était l'aménagement de la politique de secours. Nous pouvons y voir également l'importance de l'idée communautaire des Coréens de Joseon pour surmonter une catastrophe. Pays de l'agriculture, la Corée de la période Joseon a connu régulièrement des famines. Se basant sur l'étude de nombreuses archives, le chercheur coréen Kim Dok-jin estime qu'une famine était survenue tous les 3,3 ans. Pour lutter contre la fréquence de la famine, le système social et institutionnel est alors aménagé de manière centralisée. En région, les nobles contribuent à la création d'un entrepôt de communes permettant de faire des réserves sur la nourriture. Dans la capitale, deux institutions sont créées dès le début de la dynastie. Un responsable dédié à la lutte contre la famine est envoyé par le gouvernement central en région. À partir de 1511, une autre institution de lutte contre la famine devient établissement permanent. Elle porte le nom de Jinhyul-cheong, possède son propre budget et a pour rôle de contrôler la famine. Ont même été publiés des ouvrages présentant des produits agricoles anti-famine. Les mesures contre la famine sont avant tout confiées au chef de la commune qui doit diriger le déroulement des opérations anti-famine et rédiger un rapport régulièrement. Le gouvernement central envoie ses inspecteurs surveiller le travail du chef de la commune pour s'assurer qu'il fait bien son travail de secours. En 1670 et 1671, Joseon a connu l'une des plus grandes famines de son histoire. Tandis que les chiffres officiels parlent d'environ 100 000 morts causés par la faim, et ce sans compter les morts liées aux diverses épidémies qui ont ravagé la péninsule dans le même temps. Certains archives citent 1 million de morts au total. Le roi de Joseon a célébré un rite dédié à la pluie à huit reprises, accordé des rémissions de prisonniers pour dissiper la rancune des vivants et a organisé des cérémonies pour les morts pour dissiper cette fois la rancune des morts. Le roi Hyeonjong a fait arrêter les travaux de construction du palais de la famille royale sur les conseils des sujets qui pensaient que le roi devait s'incliner face à la catastrophe et suite aux critiques jugeant ses travaux inopportuns. Pour ce faire, l'un de ses sujets, Kim Ik-ryum, a rédigé un ouvrage intitulé « L'histoire des étranges étoiles » et l'a dédié au roi. Il s'agissait d'un recueil de phénomènes astronomiques étranges que le roi pouvait consulter et utiliser pour sa réflexion. Un autre savant, Yi-ok, a rédigé et remis au roi un autre ouvrage présentant les comportements des rois précédents face à des catastrophes. La catastrophe a donc duré 2 ans, la famine, mais n'a engendré ni chasse aux sorcières, ni rituels de désignation des boucs émissaires. Puisque les Coréens de la période Joseon, et notamment ses dirigeants sociaux, attribuaient les catastrophes à leur propre faute, au lieu de chercher une explication hors de leur portée. La confession et la demande de pardon du roi symbolisent parfaitement cet esprit. Il faut dire que le XVIIe siècle a été une période tumultueuse en Extrême-Orient. Entre 1592 et 1598, la Chine de la dynastie Ming, Joseon, donc la Corée, et le Japon dirigé par Toyotomi Hideyoshi, se sont fait la guerre sur le territoire de Joseon. qui aboutit à l'effondrement de la dynastie Ming, auquel la dynastie Qing a succédé, et au déclin de Toyotomi Hideyoshi au profit de la période de Edo. Edo, c'est actuel Tokyo. Mais ce n'est pas le cas pour Joseon. Joseon a survécu par deux fois à l'invasion de la dynastie Qing. Et ce même jusqu'en 1910. Selon l'historien Jong Hyung-ji, une telle résistance à la guerre comme catastrophe est due à un idéal correspondant à un roi et à la personnalité parfaite et à la constitution d'une communauté forte autour de ce chef de l'État. Bon. Et en 1948, après la période de colonisation par le Japon, la Corée choisit le régime de la République. Si le roi n'existe plus, le désastre menace toujours le quotidien des Coréens et c'est l'État qui doit désormais en assumer le contrôle. Mais rien ne fonctionne plus comme avant et la réaction des Coréens change en conséquence. Afin de mettre en lumière cette évolution des mentalités face aux catastrophes, nous voudrions parler d'un drame qui a eu lieu au large ouest de la Corée en avril 2014. Il s'agissait d'un accident maritime qui a coûté la vie à 304 personnes. Mais cet accident devient vite une affaire nationale révélant l'incapacité de l'État à assumer ses fonctions de sécurité face à une catastrophe. Cette affaire change alors profondément les réactions des Coréens vis-à-vis d'une catastrophe. Désormais, c'est cette incapacité qui est accusée directement par le peuple. Un ferry appelé Sewol fait naufrage vers 8h30 du matin le 16 avril 2014 dans la mer Jaune, mer à l'est-ouest de la péninsule coréenne, avec 476 personnes à bord, dont une grande majorité de lycéens en voyage scolaire. Le bateau commence à couler après le naufrage, mais la moitié du bateau reste sur la surface de la mer pendant 12 heures, avant de disparaître complètement sous l'eau au bout de 2 jours. Le garde-côte a reçu l'appel au secours dès le début de l'accident à 9 heures. Une dizaine de navires et 12 hélicoptères sont arrivés sur les lieux en moins d'une heure après alerte. Le navire s'étant couché sur son flanc, des passagers auraient eu du mal à sortir du bateau. Voici une citation de l'article du journal français, L'Express, sur l'affaire. Donc c'est l'article français, donc je ne lis pas, vous pouvez le lire directement. Voilà, donc l'équipage du bateau a continué à annoncer aux passagers « Restez sur place ». Ne bougez pas. Pourtant, ce sont les membres de l'équipage, y compris le capitaine, qui ont été les premiers à quitter le navire pour sauter dans la mer avant d'être secourus. Les gardes-côtes n'ont presque rien fait pour sauver les passagers bloqués dans le bateau. La présidente de la Corée ne semblait pas être au courant de la situation, même 7 heures après naufrage. Finalement, le bilan a été lourd. Voilà, c'est la photo du bateau. Le bilan était lourd. Parmi les 476 personnes à bord, 9 ont disparu. 295 ont trouvé la mort, dont 175 lycéens. Pendant 2 jours, tous les Coréens ont assisté via le direct télévisé à ces scènes d'opérations de sauvetage, traduisant l'incompétence et irresponsabilité des gardes-côtes, du gouvernement et enfin des adultes, face à la mort massive des adolescents. Au départ, il s'agissait d'un accident, mais en révélant un réel dysfonctionnement du système national de sécurité, cet accident devient vite une affaire nationale qui dévoile divers problèmes de la société coréenne. les Coréens prennent conscience du visage honteux de leur système et perdent la fierté de leur pays. L'affaire Sewol se transforme en une catastrophe mentale. Le critique cinéma Song Hyung-guk écrit « Tous les Coréens ont changé après le 16 avril 2014. Si la crise économique asiatique de 1998 a changé complètement la base matérielle des Coréens, l'affaire Sewol a bouleversé leur état d'âme. Certains ont perdu tout espoir pour cette société. D'autres pensent qu'il n'est même plus possible d'accuser autrui, tellement qu'on se sent coupable. Et d'autres encore ont montré leur mauvaise foi. Après le naufrage, tout le pays était en deuil. La société coréenne était complètement traumatisée et en proie à une apathie collective. Le peuple ne se divertissait plus. On ne sortait pas, les événements et les fêtes ont été annulés. On ne buvait plus, on ne chantait plus, à tel point que la consommation des ménages chute de 0,3% au deuxième trimestre 2014, selon la Banque de Corée. Un policier qui accompagnait les familles des victimes s'est donné la mort en disant qu'il était douloureux d'assister à ces scènes. Le vice-proviseur du lycée en question s'est suicidé lui aussi, geste qui a été attribué à un sentiment de culpabilité suite à son dernier message. Les élèves survivants ont pleuré devant les caméras en s'excusant auprès des parents des victimes d'avoir été sauvés à leur place. Tout le monde s'est senti coupable de n'avoir rien pu faire, de n'avoir pas sauvé ces jeunes. En Corée, il existe des milliers d'instituts privés d'enseignement qui proposent aux enfants des cours de dessin, de musique, de mathématiques, d'anglais, etc. Après le 16 avril, presque tous les instituts privés de beaux-arts ont proposé des séances d'art thérapeutique. Les enfants, bien sûr, mais également les enseignants, les adultes avaient besoin de ce genre d'initiative pour sortir de ce traumatisme. Donc ce sont un exemple des œuvres des enfants pour cette séance d'art-thérapie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit de mesures prises de grande envergure pour la première fois en Corée, pendant que l'État, la présidente et le responsable de la sécurité publique n'ont songé qu'à nier leurs responsabilités. Il était difficile de trouver auprès des dirigeants du pays une attitude porteuse d'une ambition collective, en anglais « leadership ». Face à la critique sur l'incapacité du gouvernement à gérer la sécurité, et donc dans ce cas, les secours, le porte-parole de la Maison Bleue, c'est palais présidentiel de la Corée, le porte-parole de la Maison Bleue a même prétendu que cette dernière, la Maison Bleue, ne remplissait plus le rôle de tour de contrôle lorsqu'une situation de désastre éclatait. Le psychologue Park Jong-ha indique que l'affaire Sewol a révélé divers traumatismes latents chez les Coréens. Celui de victime qui n'est pas protégée par l'État, celui de la confrontation de la gauche et de la droite, et celui de l'incompétence politique d'un leader absent. En ce qui concerne l'impact de l'affaire Sewol sur la mentalité des Coréens, deux éléments pourraient être relevés. D'abord, dans la manière de penser des Coréens, la réaction du désastre est liée seulement à la responsabilité de l'individu. Chacun doit trouver son propre moyen pour se sauver. Depuis l'affaire Sewol s'est répandue et généralisée l'idée que chacun doit se munir de ses propres moyens de survie et ne plus compter sur l'État. En effet, le 12 septembre dernier 2016, lorsqu'un séisme de magnitude 5,8 a frappé le sud de la péninsule, toutefois sans dégâts personnels, la presse a fait ressortir une nouvelle tendance sociale, la vente des équipements de secours individuels, casques, cordes, lanternes, etc., a augmenté, a fortement augmenté. On peut désormais trouver facilement un kit de secours qui contient tous ces matériels avec de la nourriture d'urgence. Il existe même un kit de secours pour les enfants, légère, pour qu'un enfant la puisse porter longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens commencent à chercher ce type de choses désormais. Certes, les exemples de ces événements dramatiques, du fait qu'ils sont très récents, ne permettent pas encore d'analyser des écrits historiques, littéraires, et d'y constater un changement de l'imaginaire coréen. Toutefois, ils permettent déjà de constater un changement dans la réaction du peuple. Avant, surtout à la dynastie Joseon, le gouvernement se désignait comme responsable direct et tenait de corriger sa propre organisation. Désormais, on assiste au changement de mentalité chez le peuple. Avant, le peuple, si on peut dire, se lamentait sur le déséquilibre occasionné, mais ne se rebellait pas, ou du moins ne remettait pas en question la pertinence du gouvernement. Désormais, non seulement le gouvernement ne se remet pas en question, mais en plus, le peuple remet en cause ce gouvernement. C'est d'ailleurs ce qui se passe encore aujourd'hui, plus récemment, ces jours-ci, si vous avez suivi les actualités, et la descente en masse des Coréens dans la rue afin de protester contre le gouvernement en place. Un de mes amis m'a dernièrement parlé d'une conversation échangée avec sa fille, collégienne, à la veille d'un voyage scolaire. Mon ami l'a conseillé ainsi. S'il arrive une situation urgente, n'écoute pas aveuglément la direction des adultes ou de tes supérieurs, professeurs surveillants. Tu dois réfléchir et décider toi-même. Tu es la seule responsable de ta sécurité. Cet exemple reflète bien le changement dans les valeurs morales des Coréens. Avant, quand j'étais enfant, il était demandé aux enfants de bien écouter les maîtres et d'obéir à la direction des adultes. Dans un pays de culture confucianiste, cette direction était une règle d'or. Mais désormais, nous exigeons de nos enfants qu'ils réfléchissent par eux-mêmes avant de s'en remettre aux ordres et indications provenant des adultes. Parallèlement, cette absence de leader fait naître une nouvelle forme dans l'esprit de communauté basée sur la sympathie. Ce ne sont pas moins de 482 000 personnes, des gens ordinaires, qui n'étaient ni des proches, ni des amis des victimes, qui sont venus au funérarium pour se recueillir pendant 20 jours après l'accident. Le changement, c'est qu'au lieu de d'exprimer leur colère, ils présentaient plutôt leur excuse de n'avoir rien fait pour les sauver, même si ce n'est pas eux en réalité qui devaient faire quelque chose pour leur secours. Psychologue Park Jong-ha estime que ces gens pensaient que cette affaire était la leur et qu'ils se sentaient coupables au lieu de se positionner comme un tiers qui propose de consoler et de compartir. Dans ce contexte, certains parlent de naissance du citoyen dans la société coréenne. L'écrivain Moon Kang Hyung-jun voit dans les actions civiles menées autour de l'affaire du Séoul la naissance du citoyen. La tristesse dépasse le cadre strict de l'individu et invite le peuple à réfléchir sur la société dans laquelle il vit. Le peuple s'est rendu compte que le développement économique de la Corée n'était possible que via le sacrifice de certains individus et qu'il avait toujours eu sous son nez des appels au secours émanant de son entourage. En 2015, l'Institut national de langue coréenne a reconnu l'expression « génération Séoul » comme une des nouvelles expressions de l'année. Ce mot désigne la jeune génération comme les élèves victimes de Séoul, qui montrent plus de méfiance envers la société et plus de volonté d'action pour un changement social, et qui ressent finalement davantage la nécessité de coopération entre les individus composant le peuple. Je vous montre encore un autre passage. Il s'agit d'un accident de naufrage d'un navire, mais en même temps, il s'agit d'une affaire où l'État a été dans l'incapacité de secourir son peuple. Quand l'État a abandonné son devoir de protéger son peuple, quel type de sanction pourrait être donnée à l'État? Il faut ouvrir les yeux, quoi que ce soit trop douloureux et pénible, puisque nous avons des enfants qui ne pourront jamais les fermer si nous ne les gardons pas ouverts. C'est un passage d'un écrivain très connu en Corée, Park Min-gyu. Il demande au lecteur de ne pas fermer les yeux pour que les enfants victimes du naufrage du Séoul puissent fermer les leurs en paix. Ce sentiment de solidarité permettra-t-il de retrouver un esprit de citoyen en absence du pouvoir public directif? Est-ce que ce nouveau phénomène permettra aux Coréens de rétablir le sens de l'esprit communautaire qu'ils ont connu dans le passé? Comme on a vu dans les exemples de la dynastie Joseon, et ont perdu sous la pression du développement économique trop rapide. Je vais conclure maintenant. L'été dernier, 2016, un film coréen ayant pour thème la catastrophe a connu un grand succès avec plus de 7 millions d'entrées. Le film intitulé Tunnel montre la lutte désespérée d'un homme bloqué seul sous les décombres d'un tunnel qui s'est effondré. Le critique du cinéma Song Hyang-guk analyse l'attitude du personnage principal face au désastre comme un symbole du nouvel état d'esprit des Coréens depuis l'affaire Séoul. Il s'agit de ne pas parler de l'espoir qui n'existe plus, de connaître les conditions objectives de sa situation et de faire le nécessaire par soi-même. Nous pourrions interpréter ces trois attitudes comme une consigne réaliste adressée aux Coréens ayant perdu leur confiance dans le système public de sécurité, protection. En Corée, la morale confucianiste reste toujours dominante dans presque tous les domaines de la société. L'habitude ne s'efface pas si facilement. Mais on ne croit plus au bon cœur et à la vertu du roi ou du chef de l'État. Depuis le 16 avril 2014, les Coréens se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient rien attendre de l'État en situation d'urgence. Le politologue Lee Byung-chun qualifie même l'actuel gouvernement d'État voyou, dans le sens où il n'a pas assumé la responsabilité de protéger son peuple face au risque de catastrophe, mais aussi face au risque suscité par le capitalisme libéral. Depuis l'expérience tragique du Séoul, les Coréens semblent avoir commencé à se rendre compte de la condition réelle de leur existence. Ils ont compris que la croissance économique étonnante de la Corée s'est construite sur une société à haut risque et sur l'illusion de la sécurité. Ils commencent alors à protester contre l'exigence totalitaire de l'État. À la demande de l'État de ne pas bouger et de rester sur place même lorsqu'il arrive quelque chose. Exigence qui finalement nie la démocratie et menace les droits des citoyens. Les Coréens commencent à dire non. Ensuite, ils commencent à éprouver la nécessité de rétablir la valeur de la communauté qui pourrait remplacer le rôle de l'État. Dans ce sens, l'affaire Séoul pourrait être qualifiée à l'avenir de tournant important dans l'histoire de la Corée ou bien de changement de mentalité dans l'esprit des Coréens. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, peut-être ce serait M. Cho qui peut plus répondre à vos questions, mais d'abord je vais expliquer. Donc le roi assume le rôle de responsabilité parce que d'une certaine manière c'était la façon de garder son pouvoir, parce que son pouvoir et son puissance vient de cette responsabilité. Parce que la Joseon dynastie, Joseon a été un pays donc c'était pas un roi, le roi n'était pas un comment dirais-je, le souverain total d'un pays. Le Joseon est gouverné par les aristocrates. Donc les aristocrates peuvent mettre en cause l'autorité du roi. Donc le roi assume le rôle de cette responsabilité pour maintenir son pouvoir public. Ce type de choses était possible à Joseon. Et puis pour la première question que vous avez posée, en fait, oui, c'est pareil. Nous aussi, nous demandons à l'État beaucoup de choses. Mais en fait, la Corée, avec son développement économique, a connu beaucoup d'accidents, beaucoup de catastrophes naturelles, mais aussi non naturelles. Effondrement d'un bâtiment ou d'un pont. Et les Coréens, mais quand même, gardent la confiance à l'État parce que c'était, selon notre culture confucianiste, on ne peut pas remettre en cause par nous. L'État se remet en cause leur responsabilité. Donc, on a gardé toujours l'espoir et la confiance à l'État, mais à partir d'un certain moment, on commence à perdre cette confiance. Et puis après la crise asiatique, où donc le système néolibéral s'installe définitivement en Corée, donc on commence à se rendre compte à l'État ne nous protège pas. Donc, l'affaire Sewol est survenue à ce moment. Donc, surtout, il y a des jeunes lycéens qui sont morts massivement. Donc, on commence à parler de cette affaire. Il y a 2 ans, toujours, c'est le même gouvernement qui est actuellement en place. Donc, actuelle présidente a été élue en 2013. Donc, et c'était la première présidente de la République Corée. Donc, elle a parlé comme je serais la mère du peuple. Mais finalement, on a trouvé que ce n'est pas la mère. Elle n'était pas au courant même de la situation exact de la tragédie pendant 7 heures. Donc on a exprimé beaucoup de colère vis-à-vis de ce gouvernement. Donc finalement on demande toujours beaucoup de choses à l'État, mais on sent que c'est maintenant impossible d'attendre quelque chose de ce gouvernement ou de l'État. Donc c'est le résultat d'une série d'accidents accumulés pendant 50 ans après la création de la Corée moderne. Oui. D'accord.